c'est bien difficile d'atteindre la plénitude, d'atteindre un but. Que le bien est bien, se dire que le mal est mal, faut se conforter à se dire qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas si mauvais que ça. Qu'on n'est pas si pourri, qu'on n'est pas, non, qu'il faut se remonter le moral comme on peut, comme on peut, comme on peut, comme on peut, comme on peut, sans soutien, sans personne qui veille sur soi, sans personne. Tenir le coup encore, encore malgré les épreuves, malgré tout. Tenir le coup, encore, encore et encore. Subir, mais tenir. Tenir encore. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tenir? Pour les autres, tenir pour les autres. Quand ils se foutent de toi, quand il n'y en a pas un qui ne vaut le coup. Tu te soucies d'eux, mais eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de toi, de ce que tu peux ressentir, de tous tes sentiments, de tout ce que tu fais pour eux. Ils s'en foutent, comme si c'était dû, comme si c'était naturel, c'était comme ça, c'était dû pour eux, tout est dû pour eux. Et toi, personne, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout de ta gueule, pour parler plus normalement. Tout le monde se fout de ta gueule. Tout le monde se fout de ta gueule. Tout le monde s'en fout de ta gueule. Ils disent qu'il peut bien subir, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais jamais d'amour dans le cœur. Mais comment tu survis ? Sans suicide, sans rien, sans amour. Pourquoi tu restes autant? Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu te fous pas en l'air directement? Pourquoi tu continues à subir? Subir. Subir leur colère, subir leurs humeurs, subir cette merde de vie à la con, subir. Et dès que tu veux faire quelque chose, dès que tu te sens mieux, ils te rabaissent et te foutent en l'air. Et puis dès que tu penses à toi, il y a toujours une merde qui fait que ça te refout en l'air. Croire que t'as pas droit à un peu de bonheur, t'as pas droit à rien. Toujours un rappel à l'ordre, toujours m'en rappelle. M'en rappelle cet ordre d'injustice. Cet appel qui te dit, toi t'as pas le droit de vivre, toi t'as pas le droit de vivre, toi t'as pas le droit de vivre comme les autres, non, jamais comme les autres, non, non, même pas un peu, jamais en rêve. Ouf, t'es qu'à rêver, mais tu n'auras jamais rien, tu n'auras jamais, jamais, même pas une bout de lueur, toujours dans l'ombre, toujours dans le noir. Jamais rien, jamais rien de bon qui t'arrive, jamais. C'est stagne, c'est comme un marais, c'est stagne. Ça n'évolue pas, ça n'évolue rien. T'avais 7 ans, t'avais 17 ans, t'avais 27 ans, t'avais 37 ans. T'avais 47 ans, c'est toujours pareil, toujours la même chose, toujours dans cette chambre, sur ce lit, peut-être le matelas qui a changé, et la façon de dormir, c'est fini les draps, c'est fini, un sac de couchage, plus de matériel dans cette chambre où tu ne peux plus avoir accès quasiment, rien que pour te coucher. C'est une guitare et ta paire de lunettes et c'est tout. Le reste s'empile, s'empile, des souvenirs s'empile, les souvenirs s'empile, les souvenirs s'empile, s'empile pour te faire tenir, s'empile pour te faire tenir, s'empile les souvenirs, s'empile pour te faire tenir. De plus, sinon une certaine mélancolie, que dire de plus, sinon une tristesse infinie, que dire de plus, que jamais d'amour, que jamais d'amour, que jamais d'amour, que jamais d'amour, que jamais d'amour, que jamais d'amour, que jamais d'amour, un peu de lueur jamais dans le ciel, à part ce putain de soleil qui te crame. Ça. J'avais dit je vais pas crever pour eux, je vais pas crever comme ça. Et en fait, je crois que c'est bien foutu. disparu. Jamais rien connu ce que je vois.